Radiomatique. Amorcer la transmission 4-6-4 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du groupe suisse The Young Gods, de leur album Knock on Wood, The Acoustic Sessions, paru en 2008. Nous avons fait jouer la pièce Our House, bien sûr en version acoustique. La version originale de la chanson Our House se retrouve sur l'album TV Sky des Young Gods, qui est sorti en 1992. C'est sur une pièce composée en 1984 par Kevin Key et Bill Leeb que se poursuit Audiomatic. We'll be right back. De terminer cette séquence sur la musique de la formation indienne Atomic Forest qui nous offrait sa reprise de la pièce Night in White Satin, originalement composée par le chanteur britannique Justin Hayward. La version par Atomic Forest apparaît sur l'album Disco Roar, qui regroupe une série de reprises de pièces célèbres pour la majorité réalisées durant l'existence du groupe, soit entre 1971 et 1979. Avant Atomic Forest, nous écoutions la formation péruvienne Sor Obscena et sa composition Un Viajero, parue sur l'unique album Pecado Mortal, paru en 1989. Et pour amorcer la séquence, nous avions droit à la collaboration entre Kevin Key et Bill Leeb lorsqu'ils composaient ensemble, alors que ce dernier faisait partie de la formation Skinny Poppy en 1984. De cette époque, nous avons déniché la pièce Remember Ash, qui se retrouve sur l'album Brap and Ford Volume 8 de Kevin Key. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le groupe canadien O4. Mmh. Effect on me at all. Say it yourself. Try and say it with feeling. Say 236. Il s'agissait à Audiomatique de la formation anglaise Laika, du simple pour la chanson Breather, lancée en 1997. Nous vous avons présenté la pièce Looking for the Jackalope, remixée ici par Meat Beat Manifesto sous le nom de 236 Mix. Précédemment à Laika et ce qui amorçait par le fait même cette séquence musicale, c'était le groupe canadien O4 qui s'orthographie AU4 de leur premier album On Audio paru en 2006. Nous écoutions la pièce Paper Cuts from Paper Butterflies. Audiomatique se poursuit maintenant sur la pièce Death of Spirituality de la formation suédoise Covenant. Audiomatique, cette séquence composée d'une seule pièce était l'œuvre de la formation Covenant. La pièce que nous avons écoutée, intitulée Death of Spirituality, se retrouve sur le Psychonaut EP qui vient en bonus avec la version limitée de l'album de Blinding Dark, le dernier qui a été produit par Covenant en 2016. En conclusion de cette transmission 464 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre la musique de la formation ougandaise Nihiloxika, de son deuxième album Source of Denial, qui sortira le 29 septembre 2023. Nous entendrons la pièce titre. La transmission 465 d'Audiomatique sera diffusée en direct mercredi prochain dès 17h pour ensuite être mise en ligne sur des plateformes d'écoute numérique, et le meilleur moyen d'y accéder est par l'entremise de notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Voici donc Nihiloxika et la pièce Source of Denial. C'était Audiomatique avec les sonoristes.